Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 5, colonne 3. Naissance. À Worcester, Massachusetts, le 24 du mois courant, l'épouse de M. N. Jacques, M.D., une fille.